Yeah, ma sœur, mon frère. Hey, hey. T'es-tu posé la question de ton rôle sur Terre? Dans ce système qui ne joue qu'un rôle. Babylone, hey, quel est ton rôle? Quelle est ta mission? Que tu sois bon ou méchant, oui, man, tu n'as que peu de temps pour connaître ton rôle sur Terre. Bon ou méchant, le seras-tu dans son temps? Bon ou méchant, hey. Oui, pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Que tu sois bon ou méchant, oui, man, tu n'as que peu de temps pour changer de comportement. Bon ou méchant, le seras-tu dans son temps? Bon ou méchant, hey. Oui, pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Pas un instant à perdre car on se dirige vers le néant. Pas un instant à perdre car oui, il est encore temps. Je vois de tous les côtés des gens impatients parce qu'à cause de l'argent, ils ne prennent pas le temps. Ou pour cause d'accident, perdre les notions du temps. Pas évident vu le comportement de nos dirigeants, dont l'ambition, la quête du pouvoir ont pris les devants. Voilà longtemps qu'ils ont vendu leurs amours méchants Satan. J'en vois qui comptent toujours et veulent rattraper le présent. L'ignorance fait un bon nombre de victimes parmi les enfants. Parmi tous les enfants. Non, rien dans ce système ne pousse à grandir sagement. Rien dans ce système. Même nos plus anciens se demandent ce qui se passe vraiment. Ce qui se passe vraiment. Alors jeune, prends ton avenir en main. Tu sais que tu le détiens entre de tes mains. Pas facile pourtant de penser au lendemain. Accroche-toi tous les jours et reste serein. Que tu sois bon ou méchant, oui, man, tu n'as que peu de temps pour connaître ton rôle sur Terre. Bon ou méchant, le seras-tu dans 100 ans? Bon ou méchant, hey. Oui, pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Que tu sois bon ou méchant, oui, man, tu n'as que peu de temps pour changer de comportement. Bon ou méchant, le seras-tu dans 100 ans? Bon ou méchant, hey. Oui, pense à tes enfants. Pense à tes enfants. C'est pas faute de s'être battu pour qu'on prenne tous du bon temps. Mais les leçons n'ont pas dû être apprises entièrement. Le résultat est qu'on les vit tous en voyant la fin des temps. On est bien loin des commandements sacrés de la Bible et du Coran. On devrait apprendre à se taire au lieu de parler tout le temps. Refaire le monde serait possible si on le voulait vraiment. On a beau se dire que le temps effacera les erreurs d'antan, je vois pas l'intérêt de se mentir, de recommencer tous les ans. Des gens en uniforme nous rééduquer, je trouve ça inquiétant. Quoi que la discipline de nos parents, c'est pas suffisant. Hey. J'avoue que c'est pas facile quand tu vois que certains bossent tout le temps. Ils bossent tout le temps. Rien n'est mis en place pour occuper leurs enfants décemment. Alors jeune, prends ton avenir en main. Tu sais que tu le détiens au creux de tes mains. Pas facile pourtant de penser au lendemain. Accroche-toi tous les jours et reste serein. Que tu sois bon ou méchant, oui, man, tu n'as que peu de temps pour connaître ton rôle sur Terre. Bon ou méchant, le seras-tu dans 100 ans? Bon ou méchant, hey. Oui, pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Que tu sois bon ou méchant, oui, man, tu n'as que peu de temps pour changer de comportement. Bon ou méchant, le seras-tu dans 100 ans? Bon ou méchant, hey. Oui, pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Yes, I, message pour toute la jeunesse, de la ville à la campagne. Billy Full Redeem, Suribas Production, Big Up. Dan Valdez pour tous les frères et les sœurs. Sur le son, yeah man, il est temps de choisir sa voie, son chemin. Ja. Hey, hey.